Antena 1. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. J'étais ce mec qui ne prend jamais d'attache. Mais toi, tu sais lire en moi quand je mens. Et je tiendrai mes promesses pour que jamais l'on se fâche. Chérie, dis-moi calmement, et tu le sais. Je prendrai tes problèmes, je les mettrai sur mon dos. Laisse-moi mettre le cadenas. Mon grand à deux jusqu'à la fin. Sois ma femme, je serai mon paradis. Dans notre amour, y'a pas de parodie. Chérie, t'es ma femme et t'es mon paradis. Dans notre amour, y'a pas de parodie. Et depuis le début, tu le sais, que je suis dans le vibe. J'en ai vu des femmes, mais toi, c'est pas la même. Tu connais mes failles, rien n'est plus comme avant. Ma chérie, jusqu'à la fin, crois-moi qu'on ne fera rien. Tu seras ma femme, tu seras mon paradis. Dans notre amour, y'a pas de parodie. Chérie, t'es ma femme et t'es mon paradis. Dans notre amour, y'a pas de parodie. Chérie, t'es ma femme et t'es mon paradis. Tu peux pas me dire que c'est pas bon là. N'écoute pas les gens qui vont trop parler. On s'est trouvé, c'était pas trop tard. 96.2, votre émission Groove Tropical, 18h-20h, excusez-moi, le temps que je reprenne mes esprits. Sur le 96.2, Groove Tropical, eh bien, c'est du zouk et du compas à gogo durant 2 heures, tout ce qui nous vient de la Caraïbe, et puis on va continuer comme ça, avec de la très très bonne musique, beaucoup de compas ce soir, hein, je vous préviens tout de suite. Parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Tout de suite, c'est l'album T-Vice avec d'extrait de l'album Majestic avec Monsieur Canis et ses Souls. qu'on en guette, ou qu'on se le fait. Et toujours des cafés, ils font à l'infini qui me spait. Ils veulent jouer chouette, même pas faire des fêtes. Ou sont les rimes, pas carré, grec, mais j'ai rime, pas carré, fêtes. Tout bien, c'est boulé, ma boulé, on boit chaud. Quand on t'en est, ma boulé, belle auto, avec Jojo. Donc, tout part comme balade, non, t'as pas, j'ai mon poteau. Qu'on a cessé, tout va couler, ou couler, n'a pas tout. Bon, j'ai voulu, bon, fond, navire. Ou pas qu'on sorte, gagne un néo. Ou pas les mal à tous, un million. Tellement qu'on est déjà dégueulé. 96.2 dans votre émission Groove Tropical. Et bien, bienvenue à tous, hein, si vous venez de nous rejoindre. En tout cas, c'était Jim Rama dans votre émission du jeudi soir entre 18h et 20h. Jim Rama et Vanessa Désiré. Un vrai tube pour ce titre. On va continuer comme ça avec une jeune fille qui s'appelle Naïka. Elle a déjà une petite carrière, une grande carrière plutôt internationale, parce qu'on l'entend sur les grandes radios nationales en ce moment. En tout cas, il y a longtemps que je connais cette jeune fille, que j'écoute régulièrement. Moi, je vous propose d'écouter son tout dernier tube. Écoutez ça. C'est Naïka. See the context. 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Really had me working overtime, 'cause I've been doing all of the sacrifices. Vampires, vampires sucking on my patience. I don't know, don't ask me, I don't know how one can be so cold, baby, I'm so cold with them pseudo. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, mind. That boy is a one-track mind. Tonight, I'm gonna bring back focus to mine. Oh, lagili, lagili. If you say you love me, tell me why, baby, why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Give you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, mind, mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, mind. Chéri, ou pas vle tende, ou pas wè gentil garçon, ça pas mérité ou. Ou get wap shine, chéri, ou trop fly, dili bye bye baby, nous sommes l'autre bagay. Lage, li lage, lage, wo. Pas bêtise, pas bêtise. Lage, li lage, lage, wo. Lage, papa! Demande de qui tu caresses le dos. Pendant que j'en fais d'autres, crier mon nom. J'ai voulu mener vie de charo. Mais en vrai, je ne fais que me mentir. Je ne pense qu'à toi. L'amour n'est pas mort. Malgré tout le mal qu'on se fait chier. Votre émission Groove Tropical, bien sûr, vous aviez reconnu Jacob Desvarieux avec le groupe Tout Fin, c'était Oulé. Ambiance cassable. Allez, on va continuer avec un petit peu de zouk, les demoiselles, hein, la demoiselle, vous la connaissez bien. En tout cas, c'est de l'amour, c'est de la passion avec Fanny J sur Arc-en-Ciel 96.2, 18h, 20h. Votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Très très bonne soirée à ma compagnie. Yeah. Aux femmes perdre son, le mardeur me sentit bon. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Chaque jeudi, 18h-20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. C'était Dan Junior, tout dernier album. C'est Chantal qui vous accompagne. Tout de suite, eh bien, c'est Mona Lisa. Eh bien, vous interprétez par Calypso, mais là, cette fois-ci, c'est un remix. Ben, je ne sais pas, elle avait envie de se faire plaisir et d'en mettre un petit peu plus long. Un superbe titre, en tout cas. Allez, restez bien calés sur le 96.2. Tu sais que toi et moi, on complète. Avec toi, je n'ai pas peur de marcher dans le noir. J'avancerai même à l'aveuglette. Ensemble, on est en train d'écrire notre histoire. Le puzzle est complet, la pièce qui manquait.

96.2, ne cherchez pas, vous le trouverez nulle part, c'est juste sur Arc-en-Ciel. C'est une exclusivité, en tout cas, bah oui, l'album n'est pas encore sorti. En tout cas, merci à toi, Marceline, pour ce superbe titre dédié au carnaval. Merci au compa. On va continuer comme ça avec des nouveautés. Alors là, je pense qu'à mon avis, vous allez trouver ça un petit peu... Ouais, ça change un peu. On n'avait pas trop l'habitude de le voir dans ce registre-là, mais moi j'adore, et c'est Dans la peau, et bien sûr c'est Ludo, sur la 96.2, dans votre émission Groove Tropical. Nouveauté. Sur Radio Arc-en-Ciel, 18h, 20h, c'est l'ambiance du jeudi soir. C'était Jean-Claude Mondésir avec Hipati sur un 96.9, va faire plaisir aux personnes qui aiment bien le zouk. Pas le zouk, hein, comparer trop. J'en ai sorti un, hein, là, au fin fond de mes valises. Et vous allez voir, c'est les Gypsy Kings. Je suis sûr que ça va vous rappeler plein de souvenirs à tous les fanatiques. Écoutez ça, c'est Kassa, Kassa. 18h-20h, votre émission Groove Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. Which I don't think. 29 mars, la Foire d'Orléans vous ouvre ses portes au Parc des Expositions. Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comette, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Et sachez que Radio Arc-en-Ciel eh bien, diffusera toutes ses émissions du 20 au 29 mars depuis la Foire Exposition d'Orléans. Et puis une bonne nouvelle quand même pour tous les fanatiques, puisque Groove Tropical sera de la partie en direct sur le stand du 26, le jeudi 26 mars. Alors attention, parce que ce jour-là, changement d'horaire, ce sera de 17h à 19h. Alors soyez bien fidèles à cet horaire-là pour ce jeudi prochain, jeudi 26 mars. N'hésitez pas, venez nous voir. Venez me faire un petit coucou, venez vous enjailler avec nous, venez prendre un bon bol d'or, mais bon, c'est pas grave, avec nous sur la musique qui nous vient de la Caraïbe. Je vous attends donc ce jeudi 26 mars, 17h-19h, à Comète pour la Foire d'Orléans. Sexy, accepte-tu de danser, bébé, dis-moi c'est comme tu es. Ma lame est l'eau, le doigt de filet va pas changer. Dis-moi c'est comment, dis-moi c'est comment. Sans toi, non. Il te dit sans toi, non. Sans toi, non. Le fils, non. Sans toi, non. Il te dit sans toi, non. Sans toi, non. T'es sauvé, ton ex il a pas de fric. Dans ton poignet, il manque 2-3 Van Cleef. Ils sont trop sur le terrain, c'est la joke à Bonito. Et moi je suis serein, c'est voyage en hélico. Oh la mamie, autour du monde de Guadalajara. Tes ex les cons qui ne savent pas s'habiller. Moi j'ai le drip du fait, tu peux pas nier. Danger bébé, t'es danger toi. J'suis branché bébé, juste avec toi. J'suis rêvé bébé, que dans tes bras. Pour voir ton père et ta mère trente qu'à la bague pour te fiancer. Dis-moi c'est comment. Si t'as des bis bébé, j'suis le bouc qui peut financer. Dis-moi c'est comment. J'ai été trop sexy, accepte-tu de danser. Bébé dis-moi c'est comment. Et ma lame est l'eau. Votre filet va pas changer. Dis-moi c'est comment. Dis-moi c'est comment. Je suis pour qui compte mes vibes la soirée, enfin madame, dans la boue, s'il vous plaît. I wanna see all the incendiaires. I wanna see all the incendiaires. I wanna see all the incendiaires. Yeah. Opération de Baboon! Alexa Bocholi! Ma tante, ma bonne Dieu, toi chanteur, dans vos yeux. La chaleur est montée d'un coup. C'est une nouveauté sur le 96.2 du live avec la descente. Bon, y a le feu dans les studios, je vous le dis. Votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Enchaîné dans le karma, si you need tout top faux savant là. Amour le parti toka, pon les boucles là-bas, sont défoncés au père là-bas. fait pas soupir. Okay. C'était Jakout avec Bagla. Je vous rappelle que du 20 au 29 mars, depuis la foire exposition d'Orléans, eh bien Radio Arc-en-Ciel diffusera toutes les émissions que vous avez l'habitude d'écouter tout au long de la semaine. Eh bien donc, Groove Tropical qui sera en direct live sur sur la foire, le stand 26, je crois. Donc par contre de 17h à 19h. Alors n'hésitez pas à venir me voir, à venir m'encourager, à me faire un petit coucou, à vous enjailler avec moi. En tout cas, on passera certainement un très très bon moment ensemble. Et puis toute la semaine, hein, n'hésitez pas à venir voir toutes les équipes de Radio Arc-en-Ciel pour leur faire un petit coucou. Donc c'est à la foire d'Orléans du 20 au 29 mars. Et pour nous, notre rendez-vous, c'est le jeudi 26, 17h, 17h, 19h. Et l'entrée gratuite en plus, alors n'hésitez pas à courir. Tant d'épreuves surmontées, depuis toutes les années, aujourd'hui tu m'as consolé. Oui, tu as vu mes larmes, oui, toi seul as su me combler. Tu m'as donné ta main, face au monde je vais tout traverser. Et ma foi en toi a payé, oh, et mes larmes t'a essuyé, oh, plus de mauvais souvenirs. Oui, Jésus m'a visité. Je sais que la marche est longue, mais moi je compte sur toi. J'ai plus raison d'avoir peur quand Jésus, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Mes jours de pleurs sont passés. Toutes mes blessures t'as pensé. T'as su redonner le sourire à un cœur qui n'avait plus d'espoir. Dans ta main, je vais tout traverser. Mon cœur connaît le son de ta voix. Aveuglement, j'irai où tu m'emmènes. Mon Seigneur, pour moi, t'as pris la croix. Quand je me perds avec amour, tu me ramènes. Et ma foi en toi a payé, oh. Et mes larmes t'as essuyé, oh. Plus de mauvais souvenirs. Oui, Jésus m'a visité. Je sais que la marche est longue. Je sais que la marche est longue. Mais moi, je compte sur toi. Moi, je compte sur toi. J'ai plus de raison d'avoir peur, car Jésus, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Les jours de pleurs sont passés. Et toutes mes blessures t'as pensé. T'as su redonner le sourire à un cœur qui n'avait plus d'espoir. Je sais que la marche est longue. Je sais que la marche est longue. Mais moi, je compte sur toi. Et moi, je compte sur toi. J'ai plus de raison d'avoir peur, car Jésus, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Les jours de pleurs sont passés. Mes blessures t'as pensé. T'as su redonner le sourire à un cœur qui n'avait plus d'espoir. harmonie. La FM en couleur. En couleur. On compte ça qui chauffe parce qu'il me prend sous clôture. On compte ça qui souffrance parce qu'il me prend crier tout. On compte ça qui love depuis l'aime contre au bout. On compte ça qui tombe, nous sommes victimes même qu'on fait le tout. On y a un banan plein, les mecs les kèmes dans mes hauts. Fais sembler avec nous, mais garder la vie dans mes hauts. On y a un banan crié, on croit dans nous. Quand il passe, me chier, ouais. C'était Annie Alert avec ce titre, c'est oublié. Sur le 96.2, je vous rappelle que jeudi prochain, jeudi 26 mars prochain, votre émission Groupe Tropical se diffusera en direct à la Foire Exposition d'Orléans du côté du Comet. Alors n'hésitez pas à venir me voir. Toute la semaine d'ailleurs, toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront en direct sur place. Et puis ben, si vous avez envie de rencontrer vos animateurs préférés, n'hésitez pas, on vous attend. Il y a plein de bonnes choses qui vous attendent à partir de ce moment-là. J'en profite pour faire un petit coucou à Jean-Claude, un fidèle auditeur de Radio Arc-en-Ciel. Je vous remercie beaucoup pour ton petit message tout à l'heure. Je dédicace tout de suite ce morceau, Hello. Et c'est un grand tube avec Anthony Tour. Je suis sur les réseaux, je regarde ta story et tes photos. Te voir à ses côtés, c'est vrai que c'est beau. Groupe Tropical, 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Tu sembles avoir tourné la page, du moins c'est mon impression. Je vais pas te mentir, rien me brûle de te dire. Hello, juste une dernière fois toi et moi, hello. Main dans la main dans le noir, oh hello. Mon j'irai, je te ferai toucher les étoiles. Les étoiles, hello. Oui, j'ai l'air de faire ma life et de vivre sans penser à demain. Ouais, c'est vrai, je voudrais que tu deviennes ma wife et qu'on bâtisse un empire de nos mains. C'est aussi vrai, tout parfait, il m'a devancé. Fallait que je te voie là-bas, vos doigts pour le réaliser. Mais le moment est peut-être mal choisi. Oh, ma hello. couleur. Exactly. 2, le fils d'Harry la rivière. Et bien oui, il se lance aussi. C'est Carly avec LMK. C'est une nouveauté sur le 96.2. Allez, jusqu'à 20h, on va se payer une plage contrat, je vous le dis pas. En tout cas, je vous rappelle quand même que le 26 mars prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, jeudi 26 mars, l'émission se déroulera en direct sur la foire exposition d'Orléans, qui est sur le thème cette année du Portugal. Plein de choses à découvrir sur place. Et puis, notamment vos animateurs tout au long de la semaine, puisque toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel se dérouleront en direct de la foire exposition dans votre émission Groove Tropical bien sûr. Et puis moi je serais ravie que vous veniez me dire un petit bonjour. Alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite donc jeudi prochain en direct de la foire exposition 17h 19h, et l'entrée est gratuite, alors n'hésitez pas, profitez-en. Groove Tropical chaque jeudi 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Chaque fois moins on fait, moins on somme, cap souffrir. Obligé à monter. Et pourtant, il va gagner le café. Zami, tout n'est pas encore. regrette mon travail dans les boss. Groupe Tropical, c'était Steel Groove avec ce titre Lité sur le 96.2. Il nous reste quelques petites minutes à penser ensemble. Eh bien, je vous propose de terminer cette émission avec le groupe Zinglin. Babyface, frérot, back on the mic. Et c'est en live. Carrément. Tenez-vous plein. C'est parti. Ces coups de fou. C'est Gad et Malamouz. Alors là, c'est parti, c'est un beau message. Ou pas comme ça, on travaille pour une part. Ou pas lutter en seconde de ces femmes par là. Quand je vais dire des bêtises, alors je préfère m'éteindre. Bye bye là, parce que nous parlons. Bon, c'est la fin de l'émission, on a le droit de se. C'est sûr que l'après coup de fou de là, l'homme ou sa brave vite solide à travers habitude. C'est qualité qui vient prendre place émotion. C'est du monde comme le dit. Mais pendant toute la bagaille semblée, il est important. Pas oublier garder madame. Et quand nous nous cartons, après lui toujours belle femme, soit t'es rencontré. Lui toujours belle femme, ça qui t'es fait son marché. Ou bien raison, vous gardez madame. Lui c'est maman belle, petit touillot. C'est complètement la vie. Gardez madame. Sur la FM tout en couleur, et il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain avec de nouveaux horaires spéciaux pour ce week-end-là, pas pour ce week-end-là, pour cette journée-là. Jeudi 26 mars, 17h, 19h, en direct de la Foire Exposition d'Orléans, dans le cadre au Comet, quoi. Carrément, je perds mes mots. En tout cas, sur le 96.2, je serais ravie de vous retrouver là-bas. Si vous avez envie de venir nous voir, eh bien, n'hésitez pas. Donc, à Comet, la semaine prochaine, jeudi 26, on dirait votre émission Groove Tropical. Je souhaite à tous un très, très bon week-end. Ah, au fait, à la Foire Expo, c'est gratuit cette année. Hein, et c'est sur le thème du Portugal. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Au 29 mars, la Foire d'Orléans vous ouvre ses portes au Parc des Expositions. Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comet, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Médio Oriente, a manter-se este cenário, a associação deixa um exercício, uma simulação como exemplo, uma família com crédito à habitação de 150 mil euros a 30 anos, com spread de 1% e Euribor a 6 meses, poderá vir a pagar mais 13 euros por mês. O agravamento dos preços da energia ameaça empurrar a inflação e, para controlar o aumento generalizado dos preços, os bancos centrais, na Europa e não só, podem vir a ser obrigados a subir as taxas de juro. Perante a ameaça de uma crise energética, o Governo decidiu hoje aprovar em Conselho de Ministros um mecanismo para proteger os consumidores, caso seja necessário. O Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, explica que, no limite, o Governo vai poder fixar preços da energia para famílias.